Express, on consomme la somme, importe peu. La cuenta n'effraie plus personne. La petite aime quand le bolide fait vroom. Que le profil est louche, que le CV est lourd. Les petits ont des couilles, la petite a du goût. Chanel, Gucci, semelle rouge. Le four tourne midi, minuit, non-stop. Drugstore, Vini, Vigi, Block Story. Grosse douille, les gosses tournent à E8. Grosse couille, on règle tout avant minuit. Tu les écoutes, y'a tout qui s'écroule. Ils me dégoûtent, respect aux vrais couilles comme Jules. Des couilles, faut tout que je découpe. Chaud comme Sampaoli, on a fait 100 fois all-in. On vit des temps chaotiques, beaucoup de temps pas all-in. C'est le grand classico, bienvenue au Hasiro. On a ce qu'il faut, que du sale niveau. Pour les Chiquita et les Carlito. Y'a Stone, Black, Shir, AS, Gambino, l'AMG. Cross, frappe, Riyad, Mahrez, en pilote AMG. Aketo, Naps, Aladdin, Kalash, Afro. Couplet ta ça, à la fin tu t'arraches la peau. Même si j'ai les trophées, les courses pour la daronne, les envoie dans la zone. Marseille, je te connais. T'as pris mon corazon, j'vois les frères qui charbonnent. Aha, y'a les condés. Dans le check, ça klaxonne, ça fait passer la tonne. Ouais, tout ça, ouais, on connaît. Paris, on se connaît. Traverser le temps, je veux revenir à l'époque quand on était des morts. Là c'est plus comme avant. Les affaires vont pas trop mal, je dois recompter la moula. Grosse comme le Taj Mahal, j'sais pas quoi en faire. Cambré comme la bécane, la petite veut le macan. Les DM sur Instagram, j'sais pas on quoi en faire. On se comprend, mon collègue, mon sang. Du nord vient la puissance, carré rouge, vip, ça fait du blanche. Petite chaise pliante, petite cliente, t'as fait le brushing et la petite frange. Sous teinture blonde, on confond avec le nap. La rue c'est sombre, on danse avec le diable. Mais l'état pour la vendetta, j'fais les tals pour la grande MIFA. Kéfa les uns, et fais qu'à les joints. Tu me vois dans la joie, mais la street c'est la jungle. Merci le J, même si j'suis pas à jeun. Merci le bon Dieu, je sais que j'suis pas à plaindre. J'ai les trophées, les courses pour la daronne, les envoie dans la zone. Marseille, je te connais. Mon corazon, j'vois les frères qui charbonnent. Aha, y'a les condés. Dans le check, ça klaxonne, ça fait passer la tonne. Ouais, tout ça, ouais, on connaît. Paris, on se connaît. J'veux traverser le temps, j'veux revenir à l'époque quand on était des morts. Là, c'est plus comme j'ai avant. J'ai sorti le Beretta, j'sais pas si tu comprends. C'est l'époque carré rouge, l'époque t'as l'Afghan. Et moi, j'suis un sniper, on a tout vu du balcon. J'suis avec la chica, elle a le sourire des Balkans. Sur moi j'ai de la popo, on n'a jamais fait les totos. Va dire aux gendarmes, y'a son fiston qui veut une photo. Toi j't'avais cala, mais en fait t'as la boco dans la merde. T'étais pas là quand je dormais dans et la clio. Ça me fait mal au cœur, t'es plus le sang. On se croise de temps en temps. Comme le Brinks à côté de fond vert, j'écoute des puissances non, retour dans le temps. On a quadrillé le secteur, caméra, projecteur. L'équipe est chaude, organisée, c'est le danger. Derrière nous y'a que des braqueurs, des dealers et des gratteurs. Y'a que des gros, tu vois l'mzé, c'est mélangé. Ouais, comme le J, on parle pas. On agit, on dort pas, t'imagines, on perd pas. La magie, on m'a dit pourquoi tu perces pas. Ton avis, cherche pas, c'est la vie mais j'reste dans notre logique. T'as vu le hell, c'est trop de serpents. Crocodile ne sert pas, j'te le dis, tu sors quand. Y'a les gros qui m'attendent, j'traîne pas. Mon ami, gauche droite, ça va. Même si j'ai les trophées, les courses pour la daronne, les envoie dans la zone. Marseille, je te connais. T'as pris mon corazon, j'vois les frères qui charbonnent. Aha, y'a les condés. Dans le check, ça klaxonne, ça fait passer la tonne. Ouais, tout ça, ouais, on connaît. Paris, on se connaît. J'veux traverser le temps, j'veux revenir à l'époque quand on était des morts. Là, c'est plus comme avant. J'suis dans le S. Normal, je l'intéresse. La nuit, on fait nos vies, on va peut-être mourir à la tresse. J'suis dans le fumoir, y'a le reflet du feu dans ses yeux. Ils sont plus là, ceux qui disent qu'hier c'était mieux. Ça danse le mire dans la caille, c'est ma jolie. Elle sourit, elle donne du bonheur, même au bord de l'agonie. Malgré les cicatrices, elle sort avec le tonu. Elle fume le filtre et la peufra de Luca Toni. Elle m'a tué, elle m'a réanimé. La rue toute seule nous a contaminés. Ils me disent comment, comme si c'était inné. J'suis seul dans le noir, mon âme est abîmée. On se connaît depuis l'époque du bac à sable. Du coup, aujourd'hui, il boude, il voulait gratter ma sasem. Ce projet va péter de Marseille à Paname. Et dans les rues de Félix Paya, j'ai des R en KTM. J'coute pas de la même façon que Jean de La Fontaine. Ma chérie, accroupis-toi, j'ai pas l'habitude de dire je t'aime. J'ai dû faire le chouf pour mes premières TN. Sur la bonbonne, je voulais pas laisser d'ADN. La juge l'a condamné, il est béton pour port d'armes. Elle a même trouvé des photos dans son portable. Force au frère enfermé, au pommette ou à bois d'art. Même après des années, il m'en dit pas les mandats. Même si j'ai les trophées, les courses pour la daronne, les envoie dans la zone Marseille, je te connais. Je vois les frères qui charbonnent, ah ah, y'a les condés. Dans le check, ça klaxonne, ça fait passer la tonne. Ouais, tout ça, ouais, on connaît. Paris, on se connaît. Je veux traverser le temps. Je veux revenir à l'époque. Quand on était des membres. Là, c'est plus comme avant.